Drôle de vacances de Clémentine Pachery, lu par Clémentine pour audiocité.net. Depuis des années, la famille se rendait en vacances au même endroit. Le lieu était agréable, éloigné du tumulte, sans être loin de tout et, avantage suprême, l'accès à la plage, sans être privé, n'était guère fréquenté, l'atteindre étant peu aisé. Il fallait passer par la propriété, privée, elle, pour rejoindre la petite crique de galets. Cette particularité, une servitude, dérangeait bien souvent d'éventuels baigneurs, de sorte que les vacanciers locataires profitaient de l'ensemble en quasi toute quiétude. Ils étaient arrivés la veille au soir après plusieurs heures de route. Satisfaits mais fatigués, ils s'étaient installés comme d'habitude, les parents dans la chambre du bas, les enfants dans celle située à l'étage. Les lits étant superposés, le fils, que l'on appelait bonhomme, s'était immédiatement approprié celui du haut. À 8 ans, il estimait qu'il avait passé l'âge d'utiliser celui du bas, ce qui ne contrariait pas sa sœur aînée. Elle n'aimait pas gravir l'échelle qui y menait. Tout le monde était satisfait. Pendant le dîner, Bonhomme fit remarquer qu'il avait mal lorsqu'il touchait le bas de son oreille droite. « Eh bien, n'y touche pas, lui avait-on répondu. Tu as dû te trouver dans un courant d'air, suggéra maman. Le lendemain matin, la situation était tout autre. Sous l'oreille, on voyait aisément un renflement de la taille d'un œuf. Les yeux de Bonhomme étaient vitreux, son front couvert de sueur. Il n'allait pas bien du tout. Il fallut trouver un médecin qui accepte de se déplacer pour un malade ne faisant pas partie de sa patientèle. Le diagnostic fut rapide. Au rayon. Le remède simple, garder le lit accompagné d'antalgiques et d'antipyrétiques. Devant le regard plein d'incompréhension et d'appréhension du malade, maman avait traduit « médicaments contre la douleur et contre la fièvre ». Le premier jour des vacances, franchement, ce n'était pas de chance. Lui qui passait habituellement ses journées dans l'eau, et sa sœur qui le narguait en remontant de la plage. Il passa les premiers jours à somnoler, rêvasser, s'ennuyer. Papa acheta un bateau pneumatique rouge et blanc. Il le lui gonfla et le laissa s'y installer dans son lit, lui disant qu'il pourrait le mettre à l'eau dès qu'il serait guéri. Cela lui mit un peu de baume au cœur, le faisant naviguer vers des rivages qu'il inventait. Il était tour à tour pirate, naufragé, découvreur de terres inconnues. Maman et sa sœur allèrent à la médiathèque locale prendre un abonnement d'estivant et revinrent avec de nombreuses bandes dessinées, tout en sachant que Bonhomme n'aimait pas lire, mais des images. Peut-être lui plairaient-elles. Il fallait bien de quoi le distraire pendant que tous trois profitaient des joies du plein air. Toujours pratique, sa sœur avait déclaré que s'il n'en voulait pas, les BD étaient aussi pour sa mère et elle, papa se limitant toujours au journal. La médiathèque proposait également des tablettes. Maman en avait emprunté une. Généralement, elle considérait que l'on pouvait se passer des écrans, particulièrement en vacances. Mais compte tenu des circonstances, elle voulait bien revoir sa position. Il fallait savoir s'adapter. Elle acheta une clé USB et, dans un cybercafé, téléchargea en accès libre quelques courts-métrages amusants et films d'animation. Surpris dans un premier temps, et finalement presque content d'être malade vu cet élément nouveau, Bonhomme partit à la découverte du contenu de la clé. Il fut amusé par certains films, ému par d'autres, particulièrement touché par l'histoire d'un jeune adolescent. Le soir, cela lui permettait de participer à la conversation en racontant ce qu'il avait visionné. Parmi les films amusants, celui du mendiant en Inde l'avait fait sourire. Il le leur raconte. La rue grouille d'activité, la circulation est dense, étonnante, mêlant vélomoteurs, motos légères, voitures, éléphants, tuk-tuk et piétons, sans oublier les vaches efflanquées, le tout dans un bruit permanent. Le terme tuk-tuk suscita l'étonnement de son père. Le malade fut ravi de fournir une explication. Il s'agit de véhicules à trois roues pouvant accueillir un ou plusieurs passagers. Certains avancent grâce au mollet du conducteur qui pédale, d'autres sont à moteur. Un homme sans âge, très maigre, vêtu seulement d'un pagne, coiffé d'un turban et portant une besace, va de véhicule en véhicule, tentant d'obtenir quelques pièces. Il s'approche d'une belle voiture, conduite par une femme en sari aux couleurs flamboyantes, rouge, jaune et fuchsia. Parée de bijoux visiblement en or, la banquette arrière couverte de nombreux paquets provenant de boutiques. Apercevant le mendiant, elle lui fait signe de s'en aller. Alors qu'il insiste, elle lui montre son porte-monnaie qui ne contient pas de piécettes. L'homme lui adresse un sourire quasi édenté, affichant de rares dents jaunes, et lui présente un dispositif lui permettant de lui verser un peu d'argent par carte bancaire. La situation est telle qu'elle fait sourire même un garçon de 8 ans. La réaction de la famille ne se fait pas attendre. Incroyable ! Comment est-ce possible ? Un mendiant qui utilise la technologie actuelle ! S'exclame son aîné. Demain, ils visionneront ce court film ensemble. Bonhomme sourit intérieurement. À tout prendre, sa situation n'est pas si désagréable. Sa sœur demande qu'il leur raconte un autre film, un peu plus long. Il fait mine de réfléchir et lui répond que ce sera demain. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, pour une fois c'est lui et non pas elle qui décide. Et il aime ça. Petite satisfaction. Bien sûr, il mange seul dans son bateau, mais maman lui prépare les plats qu'il aime et ses desserts préférés. Avantage de la location. Le lendemain soir, alors qu'après dîner, tous sont réunis dans la chambre des enfants, Bonhomme raconte l'histoire de l'adolescent. Assis dans le salon, alors qu'un soleil éclatant filtre à travers les stores vénitiens descendus, un jeune est complètement absorbé par son jeu vidéo. Des bruits de mitraille, d'explosions emplissent la pièce. Sa physionomie change au gré des résultats de ses tirs. Arrive sa maman, un carton relativement volumineux dans les bras. « Désolée pour le retard, » dit-elle. « Je suis passée chercher une surprise pour toi. » Et elle ouvre les stores. Voilà qui fait un instant lever les yeux de l'adolescent qui retourne sans tarder à son jeu vidéo. « Tu ne veux pas t'arrêter de jouer pour ouvrir ton cadeau ?» L'information fait son chemin. Un cadeau pour lui? Qu'est-ce que cela peut bien être? Il délaisse sa console, ouvre le carton et... Waouh! Cool! Il découvre un chiot. Son visage s'illumine. Il le sort de la boîte. Un jeune chien à la frimousse sympathique, presque rieuse, le regarde, aboie gentiment. Il finit de le tirer du carton et se rend compte qu'une de ses pattes avant est incomplète. Instantanément, sa mine s'assombrit. « Elle se fout de moi !» se dit-il. Sans ménagement, il jette l'animal à terre, lequel roule sur le sol, tandis que lui retourne à son jeu. Alors qu'il se tortille pour se redresser, le petit chien aperçoit une balle rouge sous un meuble. Immédiatement, son regard s'allume. Le voilà debout, tentant d'attraper la balle. Ce faisant, il s'assomme à demi contre le meuble, mais parvient à ses fins et la porte à l'ado. Nullement amusé par ce manège, le jeune donne un coup de pied dans l'objet qui roule jusque dans le carton ayant contenu le chiot qui s'y précipite, faisant tomber la boîte sur lui. Cherchant à s'en débarrasser, le carton semble se promener tout seul dans le salon, ce qui arrache un demi-sourire au joueur. Parvenant finalement à ses fins, le petit captif s'en extrait, retrouve la balle, s'en empare et la rapporte au joueur qui finit par être touché par cette belle ténacité et cette joie de vivre. La scène se répète à plusieurs reprises. À chaque fois, la balle est rapportée. Finalement, Sweetie, c'est le surnom affectueux de l'ado, délaisse son jeu vidéo, se saisit de la balle qu'il met dans sa poche, attrape ses béquilles, informant sa mère qu'il sorte. C'est alors que l'on découvre qu'il manque une partie de la jambe gauche à l'adolescent, tout comme il manque une partie de la patte avant gauche au chiot. L'ado, quant à lui, semble admettre qu'il existe une vie en dehors des jeux vidéo, que son compagnon, à trois pattes et demie, est très content de sortir jouer avec son nouveau maître, que la vie offre encore de belles possibilités, à condition de les saisir. Maman déclare que c'est une bien belle histoire. Les autres sont d'accord. Voilà quelques jours qu'il est alité. Il s'impatiente, veut savoir combien de temps encore cela va durer. Il se sent en forme, n'a plus de fièvre, veut sortir, profiter un peu de la plage lui aussi. Renseignement pris, rien ne s'oppose à ce qu'il quitte la chambre, mais sans forcer. Pas question de faire des concours de natation. Il se contentera de naviguer dans son bateau rouge et blanc, de faire trempette. Les vacances se terminent sans problème. Arrive le moment de rentrer. Le voyage se passe sans encombre. Comme d'habitude, on chante, joue aux devinettes, s'oxygène et se dégourdit les jambes sur les aires de repos. À la maison, après le repas, l'ancien malade annonce qu'il a une déclaration à faire. Entendu dans un film, cette réplique lui avait plu. Il s'était dit qu'il l'utiliserait un jour. À elle seule, la formulation confère une certaine solennité à ce qui suit, impressionnant un peu sa famille. « J'ai 8 ans. Il est temps maintenant de ne plus m'appeler Bonhomme, mais Bernard. C'est mon nom. Utilisez-le. » Le ton est sans appel. Les 3 autres se regardent, quelque peu interloqués. Il faut bien admettre qu'il a raison. C'est ce moment que choisit sa sœur pour annoncer qu'elle se sent un peu patraque et qu'elle a mal sous les oreilles quand elle y touche. Tiens, tiens, voilà qui a un petit air de déjà-vu. Mais enfin, au moins, on est chez soi. Ici se termine Drôle de vacances.